N'aimez pas de croquer, jeune homme? J'ai jamais joué. Moi, j'étais fou de ça. Si j'avais pas été forcé de vendre la moitié de mon terrain il y a 20 ans, j'en aurais ni bien parti, puis je me serais installé en professionnel. C'est comme ça, la vie des villes. Ça gruge tranquillement tout ce qui nous appartient. Ma femme et moi, on a passé notre jeunesse en campagne. C'était pas pareil, c'était pas l'espace qui manquait. Je me demande pourquoi on fait la folie d'émigrer vers les villes. Oh! Des jonquilles! Oh! Des esquisses de jonquilles. Pas vraiment sérieux. Et quand est-ce que vous travaillez sérieusement? Presque jamais. Il est venu quelqu'un pour vous pendant votre absence à midi. Ah, hein? Un jeune monsieur. C'était peut-être pour vous acheter des tableaux. Ah oui, peut-être. Il n'a pas laissé son nom? Il n'a pas voulu. Il a simplement dit qu'il reviendrait. Merci. Est-ce que vous peignez des portraits, parfois? Oui, oui, j'en ai déjà fait, mais j'ai cessé, je ratais toujours les yeux. Ah, parce que la petite Joanne vous ferait un beau modèle. Oui, probablement. Elle était tellement heureuse quand elle a connu ce garçon-là. Ah, n'y pensez plus, elle va l'oublier. Savez-vous une chose? Que l'envie me reprenne de faire du portrait, vous êtes mon premier modèle, madame. Moi? Elle? Oui, oui, vous, telle que vous êtes en ce moment. Rougissante et moqueuse comme une petite fille, avec du soleil autour de vous. Tout le soleil du printemps. Mais vous terminez pas, vous, Jean-Pierre? Oh, demain ou après-demain. Aujourd'hui, j'ai assez peint. J'aime pas me tuer au travail. Vous avez bien raison. Depuis tout à l'heure, je souffrais de vous voir travailler. Je me disais, ce pauvre garçon, il va se morfondre. J'ai un autre maillet dans le cabanon. Je pourrais peut-être vous enseigner les principes de base du jeu de croquet. Vous êtes bien aimable, mais je vous remercie. Une autre fois, je dis pas. Les jeunes d'aujourd'hui savent pas s'amuser. C'est vrai. Peut-être attendent-ils que leur tour vienne de mourir dans une guerre absurde. Vous avez fait la guerre? Oui, mais j'ai été plus chanceux que d'autres. Oui? Ma chance ne m'a servi à rien. Je l'ai sacrifié à des idées stupides. Excusez-moi. Drôle de garçon, hein? Je m'habitue pas encore à sa façon de parler et de vivre. Depuis qu'il est arrivé, c'est plus tout à fait pareil. Oh, tu t'imagines ça, Virgile? C'est un pauvre enfant qui a pu de chez lui. Il cherche à s'installer ici du mieux qu'il peut. Il faut lui faire confiance. Il est pas trop pressé à gagner sa vie. Non, pas du moment qu'il est honnête avec nous autres. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir, bref. Vous avez passé une bonne journée? Oui, je vous remercie. Marguerite est arrivée. Oh, c'est possible, mais elle passe toujours par la porte d'en avant. Bon, je vais voir. J'oubliais, j'ai été payé aujourd'hui. Je voudrais régler mon mois. Je suis pas pressé, je peux attendre. Non, non, j'aime mieux régler mes affaires quand j'ai l'argent en main. Je vous donnerai le reçu après souper. Comme vous voudrez. Bonsoir, Horace. Bonsoir, Marguerite. Comme tu vois, je me suis pas attardé. T'as une conduite irréprochable, Horace. Bon, ben, je vais vous laisser le jardin, mes agneaux. J'ai un repas à préparer, moi. Pas nécessaire de vous déranger pour nous, voyons. Oh, mais à son âge, Virgile mange encore comme un ogre. Viens t'asseoir. Ben, justement, j'ai à te parler. As-tu pensé au premier samedi de septembre, Horace? Oui, puis j'ai une bonne nouvelle à ce sujet-là. Ton augmentation, hein, c'est ça? Tu vois, tu me laisses même pas la chance de te la prendre. Tu l'as eu, Horace, tu l'as eu? Oui. Alors, c'est entendu pour le premier samedi de septembre? C'est définitif. Oh, que je suis contente! Tu peux pas te dire. Je t'ai connu moins ardent. C'est pas tous les jours fait, mon chéri. Dire que j'ai été jalouse d'elle parfois. Maintenant que c'est elle qui souffre, on dirait que j'ai honte d'être heureuse. Mais quand nous serons mariés, je serai plus jalouse, puis j'aurai plus honte de rien. Tout le monde sera loin de nous et nous serons seuls tous les deux. Nous commencerons à vivre vraiment. Tu vas me rendre heureuse, hein? Tu vas me rendre heureuse. Dis que tu vas me rendre heureuse, Horace. Je ferai mon possible, oui. Tu vas commencer ce soir, Horace. Veux-tu me faire plaisir ce soir, Horace? Demande-moi n'importe quoi, surtout ce soir. Me promets-tu d'accepter? Je te promets tout d'avance. Emmène-moi souper dans un beau restaurant, un restaurant où on boit du vin. Un restaurant français, ça te plairait? Oui. Mais c'est entendu, ma chérie. Donne-moi 10 minutes et je suis prête. Merci. Vous avez l'air moins heureux que votre fiancé. C'est son anniversaire? Non. Hein? On aurait dit une jeune fille. L'emmène souper au restaurant. Ah bon, vous ne devez pas faire ça très souvent. Les restaurants, ça coûte cher, ça m'amuse pas tellement. Gaspillage de temps puis d'argent, voilà ce que c'est. Pardon. Ah, excusez-moi. Mais ce soir, je ne pouvais rien lui refuser. Toute la journée, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Bien. Ce que vous m'avez dit, c'est assez vrai. Oh, vous savez, j'aurais pu tout aussi bien vous dire le contraire, et ça aurait été aussi vrai. Comment? Le bonheur de l'homme n'est peut-être au fond qu'une question de... une question de fidélité envers la femme qu'il aime, comme le chien envers son maître. C'est sûrement pas la solution. Quelle est la vôtre? Je peux pas vous la dire. Mais dans peu de temps, vous la connaîtrez. Monsieur? Je vais parler à Monsieur Vincent Marquis. Ah ben, vous tombez bien, je vous laisse avec lui. Merci, monsieur. Salut. Salut. Tu m'offres pas de m'asseoir? Je suis venu ce midi... Oui, et... je savais que c'était toi. Ça fait des années que je ne t'ai vu, mon vieux. Tu pourrais être plus accueillant. Après tout le mal que je me suis donné pour te retrouver. Comme tu vois, je suis en plein travail. Si j'étais Utrillo, cette cour m'inspirerait des chefs-d'œuvre. Tu as repris ton ancien métier. L'art est un excellent refuge. Et toi? Moi? Je ne change pas. Je continue de servir la même cause, la seule qui vaille la peine de s'y donner pleinement. C'est merveilleux. J'ignorais encore qu'il était possible de servir les mêmes idées toute sa vie. Tu devrais le savoir. Tu as été détenu pendant 5 ans pour avoir servi ces idées. J'aurais cru que tu aurais cherché à me voir au moment de retrouver ta liberté. Pourquoi? J'aurais fui une prison pour entrer dans une autre? Non, mon vieux, j'ai laissé bien des choses en arrière au cours des 5 dernières années. Nous aurais-tu oublié? Complètement. J'ai désormais envie d'être pleinement libre et de vivre. Tu te sens libre entre les palissades pourries de ce petit jardin? Tu appelles ça la liberté? Quand je t'ai connu, tu avais plus d'envergure. Tu ne serais pas contenté d'une petite vie bourgeoise. Il est mort, celui que tu cherches. Tu vas gagner ta vie à peindre? Oui. Des enfants, des fleurs, des animaux, les femmes, les nuages? Oui, oui, tout ça, tout ce que j'ai oublié de regarder, tout ce que j'ai oublié d'aimer. De la cendre, du vent. Tes mains deviendront inutiles. Toi qui n'avais plus de patrie. Toi qui rêvais avant tout d'un univers heureux, d'un monde pacifié par la force et la volonté des hommes. Je suis un homme comme les autres. Un homme faible et angoissé. Un petit peintre obscur qui voudrait bien qu'on le laisse en paix commencer sa vie à zéro. Comme un enfant après le premier péché. C'est ça, oui. Si je ne t'ai pas donné de nouvelles, c'est parce que j'ai perdu le goût de l'action politique. Parce que j'étais écœuré de conspirer contre la sécurité de mon propre pays. Nous avons besoin de toi. Tu peux nous rendre encore de grands services. D'ailleurs, nous n'avons pas accepté ta démission. Nous n'acceptons jamais de démission. Nous expulsons, plutôt. Alors expulsez-moi, qu'est-ce que vous attendez? Tu le regretteras. Je ne crois pas. Je n'ai besoin ni de votre appui, ni de votre amitié. Je n'ai besoin de personne. Je suis capable de reprendre goût à la vie seule. Et c'est à ça, uniquement à ça, que je vais m'occuper. Prends garde, Vincent. Il y a des êtres qui se mêlent mal à la vie des petits gens. Si j'ai des toiles qui peuvent vous intéresser, j'irai vous les montrer. Des toiles? Bien sûr, bien sûr. Je serai toujours très heureux de vous revoir. Un vendeur de tableaux, il s'intéresse à tous les mauvais peintres. Sa boutique est pleine d'horreur. Il paraît que ça se vend. Tout se vend. Il s'agit d'avoir le tout. Voulez-vous manger avec nous? Je vous remercie, j'ai des œufs et de la bière. Voulez-vous absolument nous couper l'appétit? Oh, venez donc vous asseoir avec nous autres. Ça nous rappellera le temps où on avait notre fils. Madame, votre fils était sans doute un homme d'honneur. Vous êtes bien aimable de m'inviter, mais la place n'est pas à votre table. Excusez-moi. Sont les plus bêtes, mais j'arrive pas à les atteindre. Ouais. On m'a déjà dit qu'il fallait tailler les branches dans toute leur longueur. Ben, c'est vrai qu'elles repoussent mieux l'année suivante. Ça permet à l'arbre de respirer. Un arbre, c'est comme un enfant. Quand il est trop fourni, ben, il étouffe et il peut plus s'épanouir. Ah, ouais, c'est vrai. C'est pour la petite. Ah, je m'en doutais. Tenez, en avez-vous suffisamment? Oui. Je pense que c'est assez joli, comme ça. Ah, oui, c'est un beau bouquet. Hein? Voulez-vous lui apporter? Elle l'aimera davantage si vous le lui donnez vous-même. Oh, j'en suis pas si certaine. Les seules en ce moment là-haut, elles songent que cette soirée sera interminable. Elle a besoin de vous. Si seulement mes fleurs pouvaient la consoler. Pour moi, l'odeur des lilas a toujours été comme un baume. Vous savez ce que je viens de faire, mon ami? À vous voir, ça se devine. Un homme qui lave la vaisselle se descend bien bas. Et que voulez-vous? Ma femme n'avait pensé que pour ces lilas. Oui, pour Johan. Avez-vous lu le journal aujourd'hui? Pardon? Je vous demande si vous avez lu le journal. Vous êtes fou? Je lis jamais le journal. J'ai cessé de lire le journal le jour où les Américains ont laissé tomber leur bombe atomique sur la tête des Japonais. Après une bêtise semblable, j'ai résolu que le monde valait plus la peine que je m'intéresse à lui. Écoutez, je profite du fait que votre femme soit là-haut pour vous apprendre que la ville veut exproprier toutes les maisons qui se trouvent du côté sud de votre rue afin de l'élargir. Le projet a été voté sans discussion. Qu'ils élargissent, mon cher ami. Qu'ils élargissent, ça m'est égal, mais ils toucheront pas ma maison. J'ai bien peur que vous ne puissiez leur résister bien longtemps. Ils vont être forcés de me démolir avec. J'ai rien à leur donner, j'ai rien à leur vendre. Leurs bulldozers vont s'arrêter à ma porte. Attention, votre femme. Déjà lavé. Lavé, rincé, essuyé. T'as rien brisé, toujours. Non, non, oui. Mais c'était pas la envie qui manquait. Oh. Vous auriez dû voir. Quand je lui ai apporté les fleurs, elle m'a souri tout de suite. Puis elle m'a remercié avec des larmes dans les yeux. Est-ce qu'on va au mois de Marie ce soir, Virgile? Oui. Ça fera pas de tort de prier pour tous les mécréants de cette ville. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je nous comprends. Merci de m'avoir prévenu. Certainement, à chaque grande occasion. C'est le restaurant le plus chic que j'ai eu. La cuisine française, c'est quelque chose. Oh, de la cuisine! Veux-tu danser avec moi? Je te le répète ce soir, je t'accorde tout. J'ai jamais été aussi heureuse. Horace, grâce à toi, on dirait que j'ai rajeuni 10 ans. Mais profites-en. On ne soit pas d'augmentation de salaire à tous les jours de sa vie. Oups! Oh, je suis tout attendue. C'est le vin que j'ai bu. Veux-tu monter à ta chambre? Oui. Je veux qu'on en parle encore. Qu'on parle de notre mariage, comme on le faisait au restaurant. C'est une bonne idée. Tiens, bonsoir, Joanne. Bonsoir, Horace. Bonsoir, Marguerite. T'es toute seule? Oui. On est malheureuse quand on est toute seule et qu'on a du chagrin. Moi, j'ai connu ça. J'ai été seule pendant 15 ans. J'ai jamais pu m'habituer. Un jour, je te souhaite de rencontrer un garçon comme Horace. Un garçon qui t'aimera vraiment. Et qui aura pour toi toutes les gentillesses. Mais dis-toi que t'es bien jeune et que t'as tout le temps voulu. Tu viens, mon chéri. Faisais jouer de la musique? Oui. J'ai reconnu ton morceau préféré. J'espère que ça vous a pas dérangé au moins. Pas du tout. On vient de rentrer du mois de Marie. Blanche s'est couchée, puis moi, je m'apprêtais à la rejoindre. Si je suis sorti, c'est pas pour t'espionner. Je voulais simplement rentrer mon jeu de croquet. L'humidité de la nuit est mauvaise pour le bois. Dans le petit livre de règlement, ils disent de jamais laisser les boules et les maillets dehors. Faites bien les rentrer dans ce cas-là. Ça peut les abîmer. Les petites filles qui ont du chagrin, elles aussi, elles sont bien mieux dans leur maison. Le jardin, c'est comme une maison. Oui. Blanche. Toi et moi, ça nous ferait de la peine de le perdre, notre jardin, hein? Mais c'est ça, la vie. On risque toujours de perdre quelque chose. Hein, M. Virgile? Moi... Oh. pas, ma poulette, pleure pas. Dans tous les jardins du monde, quand il y a une fleur qui meurt, les jardiniers s'arrangent pour qu'il en pousse une autre à sa place. C'est comme dans le cœur des petites filles, ça. Quand t'es noyé span, un autre se prépare à être là. Et la vie s'emplit de son parfum. J'étais trop orgueilleuse aussi. J'étais trop certaine de moi. Je m'attendais pas à ce qu'il me laisse pour toujours. Je pensais tellement qu'il avait besoin de moi. C'est pour ça que je pleure, je pense. Rien que pour ça. Allez dormir, puis dites à Madame Blanche que tout va bien dans le jardin, que tout est beau dehors, puis que sa petite fille croit toujours au lilas. Bonne nuit. Bonne nuit, ma poulette. L'idiote et que je pleure dans vos bras comme je viens de le faire avec M. Virgile. Pleurer n'est pas une chose idiote. Se faire du mal pour rien n'est une. Pourquoi survenez-vous toujours au moment où je voudrais être seule? Je le fais pas exprès. Venez vous asseoir. Vous avez réussi à lire? Ouais, un peu, pas beaucoup. Qu'est-ce que vous lisez? Un roman de Magali. Magali. Fait ça vous ressemble, ça. C'est aussi inoffensif que vous. Moi, quand j'étais au collège, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Je me spécialisais surtout dans les livres interdits. Après, j'ai cessé de lire. Et puis, j'ai commencé à vivre. Vivre prenait tout mon temps. Mais je vous ennuie, peut-être? Oh non! Non, vous parlez tout simplement de choses que je ne connais pas. Je pourrais essayer de vous expliquer, mais ce serait sans intérêt. Vous avez froid? Non, pas encore. Il faut monter si vous avez froid. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus tellement envie de bouger. Quand vous parlez, on dirait que tout devient tranquille. J'oublie de penser. Je vous écoute, j'oublie de penser. Vous pensez pour moi. Vous êtes une telle petite fille. On se penserait au parc La Fontaine? Roméo, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je passais. Je me suis dit, je vais rentrer dire bonsoir. Tu m'as dit que tu reviendrais plus? J'ai dit ça. J'ai pas une bonne mémoire, tu le sais. Puis je m'ennuyais, je savais pas où aller. En tout cas, on peut dire que t'as pas perdu de temps. Je te présente Monsieur Vincent Marquis. Salut. Viens avec moi. On va aller au restaurant, puis je vais te parler. Tu trouves pas que tu m'en as assez dit l'autre soir? Laisse-moi donc tranquille avec l'autre soir. Si tu veux que j'aille avec toi, Roméo, tu vas d'abord te rendre compte que je suis une femme, puis qu'on parle pas à une femme comme un chien. Tu veux que je mette des gants blancs, bébé? Mademoiselle a raison. On vous a pas parlé, vous! T'es ton nouveau? T'es en affaire? Oh, Roméo, tu te trompes, si tu prends-tu penses... pour un gave? J'arrive juste au moment qui te recoule, je sais pas trop quoi, dans l'oreille, en te passant la main dans le visage, puis tu voudrais que je me fasse pas une petite idée? Pensez-vous me faire peur? J'en ai déjà pris des plus gros que vous. Peut-être, mais ça m'intéresse pas de le savoir. Je te préviens, toi, si tu continues, je te sors moi-même de la cour. Joanne, étends avec moi. Non, Roméo, tu m'as dit que c'était fini. C'est fini. Correct. Je m'ostinerai pas plus longtemps. Je vais te laisser le bonsoir, bébé. Fais ton affaire avec l'autre, puis moi, je vais faire la mienne de mon côté. Si je peux retrouver ma grande rousse, je m'ennuierai pas. Comment tu dis qu'il s'appelle, ton nouveau? J'ai pas compris son nom comme il faut tout à l'heure. Je voudrais le prendre en note avant de partir. Je m'appelle Vincent Marquis. Approche donc pour voir, Marquis. Approche donc si t'es capable! Non, Roméo! Tu pars avec moi, bébé, ou bien je laisse un petit souvenir à ton marquis. Choisis. Non, Roméo, rends ton couteau. Je vais te suivre. Je vais faire tout ce que tu voudras. Je vais d'abord me rendre jusqu'à lui. Ensuite, vous partirez. Vous irez où vous voudrez. Tu voulais me laisser un souvenir? J'ai pas dit ça. C'était juste pour rire. Sors d'ici. Laisse les gens des alentours dormir et vivre en paix. Moi, je t'ai assez vu. Je te reverrai, bébé. Je sais pas quand, mais je te reverrai. Partez pas avec lui, vous ne le suivez pas. La première fois que je mets et toutes mes forces. Ça me fait plus rien. Il est parti, j'ai ressenti aucun mal. Vous connaissez pas encore toutes les ressources de l'amour. Un jour, vous saurez ce que ça veut dire. Aimer de toutes ses forces. Royal m'a engagé comme secrétaire dans un bureau. Est-ce que vous croyez que je pourrais faire autre chose que d'être secrétaire? On peut faire mille et une choses dans la vie, Joël. Oui, mais vous, vous avez déjà fait autre chose que de peindre? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Comme ça venait, comme ça se présentait à moi. Cependant, j'ai jamais réussi à prendre racine. Je me suis passionné pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Et j'ai passé ma vie à m'embarquer dans des aventures stupides. Donnez-moi une branche de lilas. Qu'est-ce que vous voulez en faire? La respirer. Si j'étais votre amoureux ou votre amant, je pourrais vous donner des fleurs, mais je suis pas votre amant. Qu'est-ce que c'est, un amant? Vous ne savez pas? Non, je n'en ai jamais eu. Bien, un jour, vous en aurez un, vous l'apprendrez à vos dépens. Ça ne me fait rien de ne pas savoir tout de suite. D'ailleurs, tout ce que je veux ce soir, c'est parler, dire des choses qui sont pas sérieuses. Alors, parlons d'Horace, de Marguerite. Je vous défends de dire du mal d'eux, ils font partie de ma vie. Si un jour quelqu'un disait du mal de moi, est-ce que vous prendriez ma défense? Oui, je pense. Parce qu'un jour, on dira du mal de moi. Que t'es descendu, Horace. J'ai entendu tes pas dans le corridor. Tu pensais que je dormais, hein? Tu t'es trompée. J'étais trop heureuse pour pouvoir dormir. Horace, réponds-moi. Réponds-moi, mon chéri. Horace, où es-tu? Horace, réponds-moi. Où es-tu, Horace? Ah, t'es là. Pourquoi est-ce que tu me répondais pas? Chut! Pas si fort, tu vas réveiller tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es descendu avec ta valise? Je t'ai demandé de pas parler si fort. Moi, je te demande de m'expliquer, Horace. Je m'en vais, Marguerite. Horace, c'est pas possible. T'as perdu la tête, t'es incapable d'une chose semblable. J'aurais voulu le faire pendant que tu dormais. Mais puisque tu m'as suivi, tu vas être forcé de regarder la vérité en face maintenant. Je me fiche de la vérité, tout ce que je veux, c'est que tu restes. Je ne peux plus. Mes patrons m'ont accordé une augmentation de salaire à la condition seulement que j'accepte un poste en dehors de la ville. Où? Loin, très loin d'ici. Où? Je vais pas te le dire. Tu me demanderas pas de t'y rejoindre? Non. J'ai 38 ans. Je suis un vieux garçon. Et je veux finir le reste de mes jours seul. Je savais pas quoi faire d'une femme. Ce soir, pourtant, tu le savais. Tu le savais très bien. Ce soir, je n'ai fait qu'aller au-devant de tous tes désirs. Mais c'est lâche, Horace, c'est lâche! Je le sais, mais ça m'est égal. Je vais me tuer. Tu dis ça pour me faire peur. Mais je suis muni contre la peur. Tu te trouveras un autre mari que moi. Moi, je tiens pas à me réveiller un bon matin avec une étrangère que je déteste à mes côtés. Horace, non! Parfois! Laisse-moi te parler, laisse-moi te demander pardon si je t'ai fait du mal, mais pars pas, je t'en supplie. Tu vas être heureux avec moi, Horace, je te promets de te rendre heureux. Je vais être heureux seul!